cœur bat trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Je t'aimais, c'est du passé. Je vais me consoler chez Versace. J'ai peut-être mes défauts. J'ai merdé, je l'avoue. Sur le triste comme au dépôt. Une seule femme dit I love you. DJ Alemou. DJ Ams. Une seule femme dit I love you. Allez-vous DJ Ams.